Bonjour, bonsoir à tous. Et bienvenue pour ce nouveau Radio Shtoub. Les 10 ans, voilà, ça fait 10 ans que Radio Shtoub existe, plus de 10 ans depuis novembre 2008 ou décembre 2008, voilà, ça fait plus de 10 ans. Et là, effectivement, c'est une émission, je suis ému, voilà, commémorative. Ils sont tous là, tous les Shtoubistes ayant participé à Radio Shtoub, on les a tous réunis avec des bouteilles, avec tout ce qu'il faut. Voilà, émission surprise, jeu, vous allez pouvoir gagner des télés. Donc, préparez-vous sur Minitel. Le code Minitel sera en bas de votre écran, voilà. En tout cas, je sais pas, est-ce que je présente les convives et comment est-ce qu'on fait? Il n'y a pas des enfin, il y a pas de programme. C'est Paolo qui décide. Il n'y a pas de... Voilà, alors merci Paolo. Voilà, merci Paolo. Au revoir Paolo. Voilà. Donc vous avez reconnu la voix mythique de Paolo, qui est le premier présentateur et le créateur, un des créateurs de Radio Shtoub. Et donc, Gigus a souhaité réunir ce soir... Non, moi je n'ai rien souhaité, ça s'est imposé à moi, voilà, comme une évidence, comme un but de Romulo. Et donc l'idée c'est de réunir un peu les gens qui sont venus régulièrement à Radio Shtoub depuis 10 ans et d'essayer de discuter un peu de ces 10 années, de savoir un peu ce qui nous a marqué, qu'est-ce qui nous a fait rigoler, qu'est-ce qui était punk. Voilà. Les dessous cachés de Radio Shtoub, les choses inavouables qui se sont passées peut-être. Et donc on va essayer de donner la parole à tout le monde, sachant qu'on est une bonne dizaine aujourd'hui dans le studio Gigus, qu'on remercie de son accueil. Voilà, c'est pas le studio Platon, mais on parlera moyens de Philippe. Exactement. Donc on va commencer peut-être par parler de la toute première émission de Radio Shtoub, début décembre 2008. À peu près. Voilà, et donc on a trois personnes qui étaient présentes. Alors lesquelles déjà? Toute cette table, Paolo, Den Passard et Gigus, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu, nous raconter comment ça s'est passé, pourquoi vous avez décidé de vous mettre autour d'une table et de parler Racing, Alors, j'ai envie de dire, vas-y, Gigus. C'est pas qu'on a ce jour-là, on a surtout décidé d'enregistrer en se mettant autour d'une table et d'une bière, mais sauf qu'on a rajouté le micro parce que se mettre autour d'une table et parler Racing, on l'a fait plein de fois, on le fait tout le temps. Ouais, bah l'idée c'était un petit peu de parler Racing d'une autre manière, enfin de ce qu'on entendait un petit peu, dans les journaux, etc. Il y avait le Shtoub qui était version écrit, on a voulu faire la version orale du Shtoub, en fait c'est un peu ça tout simplement, je crois. Hein. Et puis voilà, c'était tout simplement, comme tu dis, voilà, des bières, une table, un dictaphone. C'était un dictaphone à l'époque, j'ai toujours pas de iPhone d'ailleurs. Hein. Et donc voilà, deux dictionnaires pour bien caler le dictaphone en mode menhir, hein, en mode phallique, qu'ils prennent bien le son, et puis après c'était parti. Pour l'anecdote, en fait, quand on a commencé à appuyer sur le bouton pour enregistrer la première, en fait, la télé fonctionnait encore, donc en fait, on n'était pas du tout en mode solennel, c'était, fallait se lancer, puis voilà, c'était parti. Et on regardait, alors bien vu, bien bon souvenir, on regardait une émission italienne à la con, c'était au studio, studio Paolo, c'était une émission où ils n'ont pas les droits, mais ils passent les scores en direct, en fait, et ils ont des sketchs en même temps, c'est tous les après-midi comme ça, sur... Voilà. Et c'est très bien. Voilà. C'est parti maintenant, l'émission, c'est vraiment. Il y a du vent en public. Merci. Alors moi, j'ai quand même une question pour vous trois messieurs. C'est, à l'époque, il n'y avait pas trop la mode des podcasts comme aujourd'hui. Et finalement, c'est nous qui l'avons lancé. Alors, est-ce qu'on peut dire que Radio Shtoub, c'est le premier podcast de l'ère moderne? Oui. Ah, bah clairement, oui. Affirmatif. Affirmatif, parce qu'on n'avait pas les moyens de... Si on avait pu diffuser en direct, on aurait fait. Mais comme on n'avait pas de studio avec les moyens afférents, eh ben on a pris un enregistreur à la con et on a enregistré, voilà. Après, on s'est mis à faire des podcasts. Il y a plein de gens qui nous disent, pourquoi vous ne faites pas des podcasts, des flux RSS? Je dis oui, les flux RSS, SoundCloud. Je dis oui peut-être, mais le responsable technique, c'est Papa. Voilà. Non, alors c'est vrai que plus sérieusement, il y avait pas trop la mode des podcasts à l'époque. C'est pas dire qu'on l'a inventé, mais il y avait un petit côté novateur quand même pour l'époque. Ça se faisait pas trop, en tout cas au niveau du racing, pas du tout. Non. Et ça se fait toujours pas. Hein, oui, bizarrement. Alors à l'époque aussi, contrairement à aujourd'hui, il y avait une fréquence d'enregistrement qui était bien supérieure. Actuellement, on est sur un Radio Shtoub tous les mois et demi, à peu près, hein, grâce à Ali. J'essaie une fois par mois. Et on s'est un peu replongé dans les archives, et à l'époque, il y avait Bah, dans les 2-3 premières années, on faisait des émissions toutes les 2 semaines, toutes les semaines parfois. Bah, on était tous au chômage ou étudiants. Bon. Alors, oui, comment étudiants au chômage. Du coup, c'est pour ça qu'elle. Parfois aussi. j'ai vu que l'émission numéro 2 a eu 4 jours après la première. Donc, il y a une cadence. L'émission numéro 2, alors il y avait. Et il y avait Captain Kirk qui est là présent autour de la table. Bien moins bien, cette émission. Ah, ils étaient restés, il me semble, depuis 4 jours, ils parlaient encore du Racing, quoi. Ils n'ont pas arrêté. La deuxième, on avait regardé le match du Racing avant. Il en avait parlé du match. Erreur. À chaud. Ouais, si ouais, c'était un certainement une défaite. Alors, est-ce qu'on peut resituer à l'époque le premier le Racing match. Comment allait le Racing à l'époque? Ligue des champions. C'était Jean-Marc Furlan. C'est l'année de la montée non réussie. De la non montée à Montpellier. Ouais. Donc c'est une saison qui est plutôt correcte quand même sportivement. Parce qu'à l'époque, à l'hiver, on est encore deuxième. Ça va à peu près correctement. Avec un temps souffle, avec 39 points en hiver à la 14e journée. Voilà, merci Kittel, hein, vous avez reconnu sa voix chaleureuse. C'était suite à une défaite à Guingamp, ça je me rappelle, j'ai marqué d'ailleurs. La première. Ouais. T'avais marqué un but à Guingamp ? Ouais. De la main. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est dans l'ADN de Radio Stoub, c'est la défaite quand même, globalement. Je pense qu'on est tous d'accord. Parce que rapidement, en fait. C'est l'expérience Racing, j'ai envie de dire. Rapidement, Radio Stoub a accompagné un des pires moments de la. Bah en fait, c'est ça, c'est que personne à l'époque, maintenant tout le monde va au Racing, c'est génial, etc. Mais on était sur la période post-11 défaites, donc en fait, il y avait encore les irréductibles. Donc c'est la fin de l'ère Ginesté. Et voilà, il y avait finalement, il n'y avait pas vraiment de commentaires positifs sur le Racing. Nous, ce qu'on voulait, c'est faire un truc aussi par les supporters, positif, essayer de peut-être se voiler la face. Mais quand même se dire qu'on est mythique, on est en D2, mais on va remonter. Et puis on est toujours stylé, on va gagner la Ligue des Champions un jour. Quoi. Après, et positif, et d'un autre côté, avec toujours le côté critique sur la direction du club, quelle qu'elle soit, finalement. Oui. Ah c'est vrai. Peut-être aussi. À l'époque, c'était quoi? C'était Ginesté? Non, c'était Furlan d'émission. Furlan d'émission. C'était le premier Furlan d'émission. Mais dès la deuxième émission, il faut se rappeler qu'il a fallu censurer. Alors, il y avait des bips parfois quand vous écoutiez Radio Stoub, parce que c'était les moments où on insultait les Claude Leroy ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est toi, je crois, qui te chargeais de censurer les moments où on. C'est vrai qu'il y a eu un peu de bricolage. On partait en vrille totale. Quoi. Alors, on peut peut-être arriver à. Oui, Gigas, tu es une. J'étais en train de manger, mais. En parlant de. Les gens disent, on m'entend toujours, je fais semblant de manger, alors qu'on ne mange pas du tout, et il n'y a que de l'eau. Mais il n'y a pas de nourriture sur la table actuelle. Mais non, en parlant de montage et tout, alors bien sûr, Rachmaninoff a été le maître d'œuvre de tout le montage, mais il faut aussi saluer Cartman, qui a fait le générique de Radio Stoub. Alors en fait, il a fait le deuxième générique. Le premier qui était très artisanal, que si vous allez farfouiller les archives, vous allez un peu saigner les oreilles. Et les premières émissions sont encore en ligne, hein, c'est ça qui est génial, alors que les dernières, pas du tout. Voilà. si on remonte un peu le fil après. On arrive à une émission qui a été enregistrée, qui n'a jamais été diffusée. Est-ce que Paolo, tu peux nous en parler un petit peu? Je ne sais pas qui était présent aussi. Il y en a même deux. Non, parce que l'émission, c'était dans le départ. Alors, on salue Bouqueton qui, lui, a fait ses débuts à Radio Stoub avec à la fin de la première saison. Des lunettes tête de mort avec et des cheveux longs. Partiellement gras. Non, ils ont toujours été très propres. D'accord. Non, mais l'émission de Montpellier, moi j'y étais pas parce que moi j'étais au retour. Ah oui. On avait enregistré à l'aller. Donc, tu peux parler un peu de cette émission? En fait, on a fait le déplacement à Montpellier, on y croyait pour la montée en D1, donc il fallait un point à Montpellier en 2009, mai 2009. Et donc là, j'avais pris le studio portatif et j'avais fait des interviews on était tous un petit peu éméchés, on va dire. Et puis, enthousiaste. Voilà. Du coup, c'était un Radio Stoub itinérant dans Candide. Le car. Candide, oui, tout ça. Et puis, et comme on a perdu et comme c'était, comme on n'est pas monté, c'est une émission qu'on n'a jamais eu envie de ni même réécouter pour voir ce que ça donnait. Donc, on ne l'a pas diffusée. Et puis, je l'ai toujours sur mon ordinateur, d'ailleurs. Écoutons-la en intégralité maintenant. Nous avons retrouvé, elle est là aujourd'hui. Elle a grandi, elle a maintenant. Oui, elle ne sera jamais diffusée parce que c'est trop horrible. Donc il y a JP Darky qui vient de prendre de la fougasse. Ah, crame-moi. Parce que vous inquiétez pas, JP Darky est présent. Alors JP Darky, c'est le fondateur des questions Minitel, dont on parlera bientôt. C'est lui qui a inventé Minitel. Parce que c'est que... C'est moi qui ai soudé la première carte mère Minitel. D'accord. Alors, donc... Là, ouais. Donc voilà pour l'émission fantôme. Il y avait des questions Minitel. Alors oui, on parlera plus tard. Plus tard, voilà. Et c'est là que le Racing, donc match à Montpellier, et là ça commence à partir en couille. Et c'est là que nous, Radio Stoub, on s'est régalé parce que. il y a le parfum du scandale, le parfum de la mauvaise gestion qui a commencé vraiment à arriver. Et la saison suivante, elle est vraiment dégueulasse hein, sportivement. C'est la saison qui se termine à H. Non, parce que. Elle commence très bien au Château. Ah. La saison nationale ah, était. La descente en nationale. Pascal Jalin, effectivement, si on avait laissé Gilbert Grasse faire son travail. Il a sabonné la planche. Totalement. Alors, plus atteint au bout de 15 minutes. Donc en effet, la saison se passe mal parce que le Racing descend en national sportivement à la régulière. Hein, ça c'est ce qu'on oublie trop souvent. Voilà. À l'issue d'un match funeste à Châteauroux. Est-ce qu'il y a des radios ch'toubistes là autour de la table qui se sont fait mal avec des sièges certains R, il en parlera plus tard peut-être. De gens qui se sont fait mal avec des sièges à Châteauroux. Dommage, quand j'ai pété. Moi j'ai eu aucun problème avec les sièges à Châteauroux. On salue Rouliane qui est présent. Hein. Bonjour. Non, moi j'ai eu aucun problème sur les sièges. Je sais que les sièges étaient de piètre qualité parce qu'ils ont été enlevés facilement par des gens qui marchaient dessus, tout simplement. La tribune a été refaite, la décoration de la tribune de Châteauroux a été refaite, mais c'était particulièrement une journée particulièrement triste pour Racing ce jour-là. Et le football. Vraiment. Bah avec Pascal Jeannin dans le sol banc de touche, ça peut être que particulièrement triste. Et il y avait Roland en pointe. Ah oui, ça. Et Roland Courbis. Ah oui, il y avait Roland Courbis. Voilà. Pardon, il y avait Roland Courbis. Ouais. C'est lui qui a fait la compo. Jean-Pierre Papin. La compo par Minitel. Ah, je vois qu'il y a des gens qui ont oublié le rôle de Roland Courbis. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur le rôle de Roland Courbis pour ceux qui n'avaient pas suivi, qui c'est qui veut rappeler le rôle. Attends, tu peux. Attends, ok. Allez, attends, on va rappeler le rôle de Roland Courbis. Eh ben, Roland Courbis avait été recruté à l'époque par Fontaine-La sur RMC, directement à l'antenne, en direct. Et du coup, Roland Courbis a envoyé des idées de compo à Pascal Jeannin. Mais Pascal Jeannin s'est toujours défendu d'avoir respecté ses consignes. C'est défendu d'avoir été entraîneur de football aussi. Est-ce qu'on peut réécouter l'émission de RMC où Pascal Jeannin... Respecter quoi que ce soit. Hein. Alors c'est vrai que entre-temps, on a passé sous silence l'arrivée aux manettes de Fontaine-La, puis Jafar Ilali. Ça a été quand même une chose importante hein, dans l'ADN de Radio Stoub. Je peux me permettre, je trouve vraiment que tout ce qui se passe autour, que ce soit un tel ou un tel, Fontaine-La, Ilali, Keller, Ginesté, en fait, ça n'a pas une grande importance parce que quelque part, ce qu'on fait au micro, on le fait quel que soit. De toute façon, il y a toujours entraîneur d'émission, président d'émission, donc tout le monde est logé à la même enseigne. Ouais. Et puis voilà. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des choses relativement punk hein, qui se passaient, comme un président qui recrute un consultant en direct sur RMC. C'est quand même des choses assez punk. Et ouais. Effectivement, on a dû en parler à l'époque de Radio Choum. Voilà. Alors, on a fini du coup. On a oublié de citer Conan, qui était aussi dans le premier Radio Choubis, mais qui ne peut pas être là. Parce qu'il a piscine, je crois. Et sa voix rocailleuse, son humour basse, et sa connaissance du football de la région girondine ont apporté beaucoup à Radio Choubis. C'est vrai que Conan a été un des premiers réguliers. Rappelez-vous, il a dit oh à l'époque. Donc c'est vrai qu'on salue Conan, hein, c'est un peu lui qui a lancé. Conan, il a ce côté quand on fait un truc, voilà, on y va, on le fait quoi. On se jette à l'eau et puis effectivement. Et fédérateur. On s'est jeté à l'eau. C'est clair que t'as Conan qui est à l'époque qui était en tout cas dans le coup, t'avais envie. Moteur. T'avais envie d'y aller. Puis ça marchait bien. À l'époque, il y avait un message sur deux sur le stoop qui était de Conan. Hein. Et modéré par Conan. Alors, on va peut-être essayer de donner la parole un peu aussi aux tour autres. Tour de table. Tour de table, parce qu'il y a pas mal de monde qui est présent. Il y a deux tables, en fait. Qui est présent aujourd'hui. Table basse. Il y a une table basse. Alors, parce que Radio Shtoub, après, a continué à traverser les mauvaises périodes, le CFA 2, le CFA national. Et puis, il y a des personnes qui sont devenues plus assidues à Radio Shtoub à partir de... De la Ligue 1. Alors, je vous parle. Par contre, il y a J.P. Darky qui est avec nous. Salut. Bravo. Lourgues. Voilà. Alors, comment tu es arrivé à Radio Shtoub et est-ce que tu peux nous... Alors, je me souviens pas, j'étais bourré. Mais je suis arrivé en voiture. Oui, je suis arrivé en voiture. J'ai eu du mal à me garer parce que c'était au studio Rakma de l'époque. Donc, je me suis garé boulevard de Nancy. C'était très dur. Et non, mais il habitait pas boulevard de Nancy. Je me suis garé boulevard de Nancy. Et je crois qu'on était en CFA 2. Il y avait personne, donc quelqu'un m'a contacté du coup. En général, quand il y a personne, c'est moi qu'on contacte. Et c'était très bien, mais j'étais bourré. Donc j'ai pas beaucoup de souvenirs. Et donc à l'époque, tu faisais quelques kilomètres pour venir à Radio Shtoub. Oui, bien sûr, parce que je travaille à l'étranger, je vis à l'étranger. J'ai un expatrié. Un jour à Los Angeles, un autre jour à Vesoul, où je ramène de la bière. Pour le recrutement, beaucoup de travail. Donc je viens toujours en voiture, de luxe en général. Non. Alors, non, je ne fais pas du diesel parce que, alors, si on parle un petit peu bagnole, ça m'intéresse. Effectivement, non, moi, je roule plutôt en hybride parce que je respecte la planète. Et voilà. Donc, c'était très bien. Alors, l'hybride, il faut savoir quand même, c'est que on consomme moins, mais on consomme de l'essence. C'est-à-dire que pendant très longtemps, au niveau taxe, c'était moins intéressant, peut-être. Mais maintenant, vous voyez, tu vois, avec l'équilibre écologique, eh ben, en fait, maintenant, le diesel est quasiment au niveau de l'essence, voire plus. On a un représentant gilet jaune ici, ou quelqu'un qui est un peu un expert sur le sujet. Mais maintenant, je m'y retrouve, vous voyez, je retrouve la bascule. Mais bon, l'important pour moi, surtout, c'était évidemment le respect, les femmes, la convivialité, putain. Et la tolérance. La convivialité et la tolérance, voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Donc, moi, je me souviens d'une anecdote assez truculente que tu as racontée sur ta première à la Méno que tu avais narrée dans Radio Shtoub grâce à un certain maire de Strasbourg, hein, c'est ça ? Alors, on a quoi ? Une demi-heure, 45 minutes ? Donc, jeune enfant des faubourgs strasbourgeois. Non, pas vraiment. Port de Schirmeck plutôt. Vous voyez le bar Le National, que vous avez tous fréquenté, j'espère. Il y avait vraiment ça a une bonne ambiance au bar Le National à l'époque. Donc j'étais au collège Pasteur. Et le collège Pasteur, donc qui était à l'époque un collège-lycée, mais bon, là, moi, j'étais au collège. Et j'étais en quatrième. Et en ce temps-là, le Racing faisait l'ascenseur. Énormément. Donc c'était, je vous dis, comme j'ai 25 ans, on est quoi sur 86, quoi, ce genre d'année. Et j'avais comme professeur de français Roland Ries, que certains connaissent peut-être. Ici, Roland Ries, ancien avançant du Bayern de Munich. Et à l'époque, il était dans l'opposition, mais à la commission des sports. Mais pas trop. Enfin. Bon, il était... très bonne remarque. Parce que nous pourrions discuter de l'orientation centriste de l'Alsace, en effet. Peut-être quelqu'un sur le centre droit, le centre gauche, les subtilités, les finesses. L'humanisme rhénan. L'humanisme rhénan, tout à fait. Le centre Alsace, le centre gauche, le centre droit. Et donc, à l'époque, le Racing avait du mal à remplir ses tribunes. Ouais, tout à fait. Son nouveau stade, exact. Et le Racing était 19e et le SC Bastia 20e, ou l'inverse. Toujours est-il que le prof de français a dit... Il est arrivé, Monsieur Ries a dit, bon, les connards, j'ai des tickets pour le Racing, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, c'est ça, vous y allez, il faut remplir les tribunes, le 20e contre le 19e, on n'a pas le choix. Moi, j'avais jamais entendu parler de football, moi, j'étais jeune enfant, aux boucles dorées, plutôt poésie, ce genre de choses, danse classique, énormément, avec Roulian, en ce temps-là, donc j'y suis allé. 6-1 ou 6-2, vous pourrez vérifier l'affiche Racing Shtoub. J'ai aucun souvenir. Pour moi, tout d'un coup... 2-6 ou 6-2 Non, le Racing. Le Racing, mais 6 buts. Triplé de Cubaye. je m'en souviens très bien, triplé de Cubaï, il me semble, hein, tout à fait. En effet, et pour moi, je me suis dit, putain, le foot, c'est ça. C'est, alors, je peux vous dire, après, j'ai été un peu plus déçu. J'ai un peu plus déçu, mais ça a été pour moi une révélation. Non, sérieusement, par contre, ça a été une révélation. Alors, autant le foot en le soit, mais c'est le stade. Bah, vraiment, ça m'a fait un choc, le stade. L'odeur des merguez, les gens qui s'engueulent. On n'était pas beaucoup, hein. Il y avait des merguez de merde, tout était. Mais sérieusement, ça m'a accroché, quoi. Et donc, je peux dire que quelque part, c'est un peu grâce à Riz, ce qui est un peu bizarre, que je suis devenu accro au stade et donc au Racing. Parce que je dois dire, je regarde très peu à la télé. Ouais, bah merci pour cette anecdote très très touchante, JP Darky. Alors, à ta gauche, en larmes, il y a Rouliane. Rouliane, est-ce que tu peux nous rappeler comment tu as débarqué à Radio Shtoub? Quels sont, est-ce que tu as des souvenirs particuliers, mythiques, des choses un peu, des anecdotes truculentes à nous narrer? Alors, comment j'ai débarqué? Moi, j'ai été kidnappé. Un petit peu comme avec les extraterrestres, j'ai été vraiment kidnappé par, je pense, Gigus, qui m'a dit il faut compléter l'équipe. T'aimes l'alcool? Ça m'arrive. Tu peux venir, tu vas voir, c'est vachement bien. On se met autour d'un studio. On prend un léger apéritif dînatoire avant l'enregistrement. Puis après, on s'enregistre entre gens bien. Et comme tu connais beaucoup en football, parce que moi je suis un grand expert du football bien sûr, tu sauras un petit peu raconter tout ça. Donc j'ai dit, bah écoutez, banco quoi, je viens. Mais c'est d'anecdote truculente, non. J'ai eu souvenir de lendemain d'enregistrement de Radio Shtoub qui était plus difficile que d'autres. Plus difficile qu'un lendemain normal, parce qu'on avait légèrement forcé, on va dire, sur l'apéro dînatoire d'avant l'enregistrement. Mais pas de souvenirs truculents, pas de grosses déconnes. Hein. Moi, je suis une pièce rapportée depuis, je sais pas, deux saisons, trois saisons. Oh non, peut-être 3-4. 3-4 ouais, ouais, le temps passe vite. Hein. Moi, j'ai 26 ans, j'ai un an de plus que JP Darky. Donc, je suis aussi un petit peu dans mes années un petit peu anciennes maintenant. Hein. Ouais. Mais voilà, donc. Mais c'est toujours bien, hein, Radio Shtoub, c'est toujours l'apéritif. Je connais pas, moi, Roland Riz, je connais pas. Je connais le futur maire de Strasbourg, mais je connais pas les anciens maires. Monsieur, je connais aussi. Tu connais Monsieur Fontanet? On a couché. Oh mince. T'as couché avec moi. Parce que je le croise tout le temps, moi. Dès que je vais à Strasbourg, je le croise. Ouais, il allumait des mortiers dans la rue. Enfin, c'est terrible. Terrible. Terrible. Ah, aucun respect. Oh là, la Moretti a failli. Terrible. Donc voilà. Je te rends le micro d'ambiance, le studio. Voilà, merci Rouliane, hein, qui nous a donc annoncé le nom du futur maire de Strasbourg en avant-première. Alors du coup, là, je vais un peu me balader. On est en direct. Hein. Voilà. On est en direct. Hein. C'est du direct. Alors, voilà. Donc, on a aussi encore autour de la table, il y a Knaki qui vient d'arriver et qu'on salue bien bas. Ouais. Voilà. Bonsoir. Alors moi j'ai envie de m'installer un petit peu et discuter avec Strotim qui a été surnommé le chiantologue. Je sais pas si vous vous souvenez. Exactement. Et d'où vient ce surnom, le chiantologue, Strotim? Je crois qu'il t'a été tu en as été affublé lors d'un Radio Shtoub. C'est ça. Tout à fait. Je crois que c'est Paolo. Oui, sans doute. Hein. C'était les époques, les histoires de dépôts de bilan, de SASP, d'associations, machin, etc. Et un jour, Paolo m'a dit, toi qui es le spécialiste de tout ce qui est chiant. Oui. Non, mais comprenez tous les règlements, les trucs techniques, juridiques, dépôts de bilan, alors que moi j'y comprends rien, tout ce qui est SARL, SIC, truc. Et le gars, il arrive à Radio Shtoub, il te fait un exposé comme un TPE terminal, tu comprends tout, en tout cas c'est clair, quoi, c'est bosser, c'est travailler, puis il a le courage de s'attaquer à des sujets que je trouve hyper chiants, mais bon, heureusement qu'il y a des gens qui font ça, parce que c'est vrai que... Et c'est vrai qu'à l'époque, on a été servi avec... C'est Papin, c'est les petites pirouettes, les gestes techniques, mec en or, Janin, la Grèce, l'autre c'est Bébé de bilan, c'est règlement, c'est bon, c'est... Moi, ce qui m'a marqué, c'est à une époque, il y avait une émission où tu avais annoncé la quasi... tu avais dit que c'était sûr qu'on allait déposer le bilan. Un petit peu en avance par rapport à la presse locale. Et tu avais dit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, on va... Et tu avais un peu refroidi l'ambiance. Je sais pas si tu te souviens de ce moment. C'était ma conviction à l'époque, en tout cas. Donc, je l'avais exposé. Après, j'ai pas la prétention d'être devin, contrairement à Roliane concernant le futur maire de Strasbourg. Mais vous pouvez aller voter quand même. Hein. T'inquiète, on va aller voter. Ça fait une jolie promenade, déjà. Donc, après, c'était aussi une période intéressante. Alors, noire, tu vois, difficile, mais intéressante dans le sens où tu parlais avant de la fréquence des radios Stoub. Bah, effectivement, tu pouvais faire un radio Stoub toutes les semaines. Tu devais faire un radio Stoub toutes les semaines, tellement telle était la densité de bordel et de trucs qui changeaient. Enfin, les histoires de tondeuses et tout ça. Enfin, tout le monde a oublié tout ça maintenant. L'hélicoptère, quoi. Tu te réveilles un matin, t'es au shot, tu regardes et tout. Il y a Thomas Fritz qui a racheté le club, tu vois. Enfin, c'était l'époque, c'était ça, quoi. Et donc, effectivement, il fallait toutes les semaines faire un radio Stoub pour essayer de rattraper le monceau de conneries qui était arrivé pendant la. C'était une meilleure série que Netflix hein, à l'époque. Hein. Ah oui, c'était le Netflix local. Ah ouais, non, je choisis Radio Stoub Netflix. C'était sur MySpace. Ah oui. Alors moi, je me souviens d'une fois, il y avait eu en fin d'émission, parfois on faisait des quiz, et notamment on avait fait un Survivor, et il fallait citer tous les dirigeants qui avaient été cités depuis que Fontaine-là était là. Ouais. Et il y avait un nombre, en 6 mois, il y avait une quinzaine de noms. Ouais. Et d'ailleurs, on va le refaire. Et c'est, voilà, avec des noms assez improbables. Ouais, hein, des cache-cache, des Varonnes, des Plessis, des Luc Dayan. Cornélie, Loban. Non, mais c'était, enfin, quelque part. Messieurs, s'il vous plaît. Le Racing a été une nouvelle fois précurseur, comme toujours. Et on a eu un peu le projet Lopez à Lille, on l'a eu, mais en moins bien, plutôt dans un club de D2. Low cost, bien pourri, bien à chier. Mais au final, c'est ce qu'on a eu, quoi. Les mêmes intermédiaires chelous, la même volonté de faire du fric et d'en avoir rien à branler du foot. On a eu ça. Mais alors, c'est vrai, avec des gens d'une médiocrité qui était totale. Mais bon, ça faisait des choses à raconter, effectivement. Il y avait du matos. Et on parlait pas beaucoup de terrain, du coup, à l'époque, dans les radios. Voilà. On s'en fout. On parlait. Alors, voilà. Donc, c'est vrai qu'aussi, à l'époque, on avait enregistré au studio Platon. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Hein. Ah oui. Alors, on salue Philippe, hein, qui ne peut pas être là parmi nous ce soir. Souvenez-vous. Grâce à qui on avait. On a... Il est avec le futur maire de Strasbourg, non, c'est ça. Alors, ça s'arrête. Voilà. Ça... Donc, c'est vrai que grâce à Philippe, pendant je ne sais plus combien de temps, mais pendant un an et demi ou 2 ans, on a pu enregistrer dans des conditions assez sympas au studio Platon. Et c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé une qualité sonore dans la banlieue sud de Strasbourg. Et puis, alors voilà, un des chantiers auquel il faudra peut-être s'atteler pour l'avenir Radio Stoub, c'est essayer de gagner un petit peu en qualité sonore. Mais bon, ça, c'est des. On en parlera peut-être une prochaine fois. C'est où que les gens peuvent envoyer des sous, là? Pour envoyer des sous, c'est. Donne le SMS pour envoyer des sous, là. Alors, non, l'argent, on ne sait pas. On verra encore hein, si. Il n'y a rien de. On n'aura sans doute pas besoin. Alors, en tout cas, donc merci à notre chantologue attitré Strotim d'être intervenu. Mais c'est pas péjoratif quand je dis ça. Non. Attends, toi, tu l'as mal pris un jour. C'était un compliment, hein, c'était vraiment une qualité. Hein. Non, moi je vois quelqu'un depuis 5 ans, mais ça va. Quoi. Alors, parmi nous ce soir, on a d'autres personnes qui ont intégré les habituels de Radio Stoub au fur et à mesure. Alors, vers qui me tournais-je voilà, Oudin. Oudin, salut. Salut, Rakma. Ça va? Alors, est-ce que tu as des souvenirs marquants, toi, de Radio Stoub, des choses, des anecdotes un peu croustillantes à nous raconter? Alors, croustillant, on parle pas de... Enfin, on parle de sport, hein. On parle de sport, oui, d'accord. Ouais. On parle pas de date ou de... Ok, d'accord, on n'est pas... C'est vrai qu'au niveau date, c'est des Radio Stoub, c'est pas là qu'il faut... C'est pas the place to be, effectivement. Non, moi je suis arrivé là parce que j'ai un passé professionnel avec quelqu'un dans cette salle, faut le savoir. Oh. Et donc, évidemment, parce qu'on pense qu'il faut être brillant sur le forum, etc., pour qu'un jour on soit invité sur Radio Stoub. En fait, pas du tout. En fait, tout ça est de l'entre-soi. Toi, c'est par LinkedIn, quoi. C'est LinkedIn. I came upon your profile on LinkedIn, c'est ça. Et puis voilà. Et donc voilà. C'est comme ça, les gens. C'est de l'approche directe. Il parle couramment allemand. C'est de l'approche directe. Et donc, effectivement, j'ai connu le studio Platon dans la banlieue sud de Strasbourg. Et la première fois qu'on te propose de venir à Radio Stoop, quand même, tu dis, t'es honoré, quand même, je trouve. Et tu dis, putain, faut que j'ai des trucs à dire, faut que je prépare quelque chose. Et tu te rends compte que pas du tout, en fait. Pas du tout. Ce qu'on te demande, c'est de ramener un petit peu de pif, du fromton et puis et des bretzels. Voilà. Comme sur RMC, quoi. Comme sur RMC, ouais, c'est ça. Non, il revient tout, là. Alors, toi, Studio Platon, c'était quand même, du coup, les... Saison 3 ou 2 ou 3 de Radio Stoop, donc c'est... Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Bon, le début de la descente aux enfers. Mais effectivement, comme disait Paolo, après, peu importe les résultats du Racing, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de se retrouver ici, dans n'importe quel studio, finalement. Et puis, le Racing est au-dessus de tout ça. Le Racing est intemporel, le Racing est immortel, le Racing est... Voilà. Tout à fait, tout à fait. Peu importe les personnes, peu importe... Et puis ici, on a un peu la diversité des gens qu'on retrouve en tribune. C'est ça qui est sympa et qu'on retrouve dans le forum. Je fais mon côté, c'est mon côté RCS forever un petit peu. Des mâles blancs. Alors je rends le micro à Paolo. Sur ce qu'il disait là, sur on l'a appelé, c'était Radio Stoob, etc. En fait, une fois, il manquait quelqu'un ou quelqu'un avait annulé. C'est pas toi, c'est le pote de Knacky, c'est un Turco. Qui avait fait Radio Stoop. Et en fait, je l'avais appelé, je me suis dit, tu veux pas faire Radio Stoop, tout ça. Et tu sais, de manière machinale, je demande, vas-y, tu veux pas. Et le gars dit, attends, je te rappelle dans 5 minutes, faut que je vois un truc. En fait, il avait annulé sa soirée avec des meufs et tout. Parce qu'il y avait Radio Stoop et c'était au studio Platon. Donc en fait, du coup, c'est vrai. Ouais. Tu demanderas à Turco. Et c'était marrant parce que ouais, le côté, ouais, effectivement, c'est plutôt soyons honnêtes, de l'entre-soi où voilà, c'était un truc entre potes, entre connaissances, les mecs de la lanterne, etc. Et puis ouais, la difficulté, ouais, c'était d'élargir aussi à des gens qu'on connaissait pas forcément. Mais finalement, au bout du compte, on a toujours réussi à trouver des types sur le forum, machin, qu'on connaissait pas. Et c'est ça aussi qui a ouais, qui était sympa, c'est de découvrir des ch'toubistes qu'on connaissait pas de visu et qui arrivaient une fois, qui faisaient radio ch'toubistes. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu un peu côté, ouais, il y a eu un peu d'ouverture quand même. Stamtisch, hein, en fait. Voilà. Le Stamtisch grandeur nature, quoi. Alors, au niveau de... Tiens, tant qu'on est dans... À ce propos, alors, peut-être tourner vers Calcio 90. Alors, c'est vrai que, au niveau... Michel Drucker, sort de ce je crois que c'est le seul qui a un numéro dans son pseudo ici. Bon, mais et malgré tout, il est brillant. Hein alors, comment tu as atterri, toi, à Radio Stoop? C'est via Slade ou alors Via Slade qui m'avait... Donc bonsoir à tous, hein, là-bas. Qui m'avait convié à une émission. Mais... Slade, hein, qui s'en veut de ne pas être là, qui est à Paris, blablabla. Qui nous manque tellement. Qui est à Paris. Je sais que la méno lui manque tellement. Voilà, j'ai atterri ici. Je ne sais plus quand, par contre. Il y a 5-6 ans. Il y a 5... Ouais. Dans l'ancien studio de Gigas, déjà. Ouais, dans l'ancien studio de Gigas. Ouais, CFA, ou peut-être la première année nationale, la meilleure sportivement, hein, comme tout le monde le sait. Voilà, et puis, comme anecdote, je me souviens qu'on avait tous ensemble parcouru des kilomètres et des kilomètres pour aller dans le studio de JP Darky. Dans le sud de la France. Dans le sud de la France, voire du monde, hein, même, hein, près de l'Antarctique. C'est-à-dire qu'on a des liens, en plus, hors... Alors, on rend le micro à JP Darky. On a des... Non, c'est rien, non, je vais rien révéler. On a des liens hors Radio Stoop dont je ne peux pas parler. Hétéro-curieux. C'est son fils. Hétéro-curieux, totalement. D'accord. Merci pour cette anecdote à forte valeur ajoutée, JP Darky. Il y a des animaux qui ont aussi fait Radio Stoop un jour. Ah oui. Ah oui, une belette. La belette de Yu. Première voilà. Émission, c'est la belette. Je pense au Barracuda. Mais... D'accord. Alors oui, donc toi, tu atterris par piston, hein, du coup. Voilà, par piston, grâce à Slay. Alors c'est vrai que c'est un peu la jeune garde, parce que là, c'est vrai qu'on a tous 25-26 ans autour de cette heure-là. Et toi, tu as 17... 15 ans. Non, plus sérieusement, c'est que la plupart des gens qui ont, sont là depuis le début, c'est des gens qui, à l'époque, avaient entre 25 et 30. 10 ans plus tard, Vous faites le calcul. J'avais 23 ans. Et c'est vrai qu'il y a. Et ben là, toi, c'est, voilà, toi tu es un peu plus jeune que nous. Donc c'est peut-être l'avenir. Peut-être l'avenir. Peut-être que je suis issu du Radio Shtoub 2.0. Et c'est vrai que voilà. donc toi, tu es un habitué des dernières années. Tu as ton rond de serviette au studio Gigas. J'essaye, avec des quiz notamment, j'essaye de me. Tu as fait des pâtes à la Hainan. Oui. Et comment? Avec mon ami JP Darky. Puis... Non, on parlait du pâtes à la Hainan. Voilà. Alors le pâtes à la Hainan, c'est la dernière nouveauté de Radio Show. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui n'ont toujours pas compris ce que c'est, en quelques mots? Les règles sont sur le site. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je crois que tout le monde a plus ou moins eu un petit peu la parole sur les 10 ans de Radio Shtoub, sauf Knacky, qui est arrivé un petit peu en retard. Alors, du coup, Knacky, est-ce que tu as des anecdotes qui te viennent à l'esprit quand on parle de Radio Shtoub, des choses un peu truculentes que tu peux nous partager? Alors, je crois que... Est-ce que tu peux tenir le micro, s'il te plaît? Oui. Alors, oui. Déjà, bonsoir et bonne soirée. Ah, une magnifique réplique de notre ami Mediasoc, qui a, une fois sorti cette magnifique réplique, dans Radio Shtoub d'ailleurs. Ah ouais? Alors donc, mon premier Radio Shtoub, je crois que je l'ai fait avec... d'ailleurs, je crois que je l'ai fait avec Oudin. Je crois que c'était notre premier à tous les deux, où on était au studio Platon. Et ils se sont mutuellement déformés de Radio Shtoub. Et donc, donc c'est marrant quand il a dit qu'on est honoré d'assister à Radio Shtoub, puisque moi aussi j'étais très honoré de participer à cette formidable émission. Et en fait, on se dit, voilà, il va falloir travailler, il va falloir réfléchir à ce qu'on dit. En fait, pas du tout. Puisque, bon, moi, perso, j'ai fini bourré, donc bon. Si t'avais pas fini bourré. Je connaissais pas le concept, mais non, mais voilà, c'est sympathique. Et puis bon, ça faisait aussi quelques années qu'on était un groupe d'amis qui se rejoignait, notamment à La Lanterne, il y a de ça maintenant. Plus de 10 ans. À la Méno, accessoirement. Oui, à la Méno, oui. À l'époque, c'était plus à la voilà. Méno. Non, mais voilà, on vous est... beaucoup à la Méno. On a constitué un groupe d'amis, donc cette émission, c'était aussi bien pour parler sérieusement et un peu moins sérieusement du Racing, mais aussi pour se voir dans un contexte un peu plus... officiel et pouvoir mettre sur table les différents débats qu'on pouvait avoir ensemble avant au stade de la Méno ou à la Lanterne. Donc c'est une très bonne chose. Moi, j'en garde d'excellents souvenirs. Après, j'ai fait quelques émissions encore. J'ai essayé de décliner à plusieurs reprises. Malheureusement, j'ai dû participer quand même. Non, mais... Ouais, j'étais en retard, j'étais avec Sabrina avant. Michel, est-ce que alors, est-ce que tu peux nous raconter, alors ce n'est pas Radio Shtoub, mais est-ce que peux-tu nous raconter la fois où tu as roté à la gueule de Plessis, s'il te plaît? C'était pas Radio Shtoub, mais c'était presque Radio Shtoub. Et tu l'as traité de pente. Ah oui, ouais. Donc à l'époque, j'étais à la fac. Donc je suis un peu plus jeune que vous, hein, puisque je n'ai que 12 ans. Donc j'étais à la fac à l'époque et il y avait une journée dans l'année. D'ailleurs, Hathor connaît, hein, puisqu'il était fac de géographie. Donc on a une journée knack-bière. Ah. Et donc, La connexion est directe avec Jean-Claude Buvet. Non, mais bon, j'avais bu quelques bières. J'avais bu plus de bières que mangé de knack, en tout cas. Et puis bon, à l'époque, avec Paolo et Gigus, on faisait Planète Racing. Avec le masque à l'exil. Oui. Donc on s'était retrouvés à l'apéro à l'exil. Donc on avait bu des masses, d'ailleurs, hein, pas que une. Hein. Donc oui, ou trois. Ouais. 4-5 ans, c'était. Et donc, oui. Ouais. Oui, oui. C'est ce jour-là où t'as pissé dans la poubelle. Non, d'accord. On peut pas dire ça à la radio. D'accord. Et donc, je suis arrivé dans un état relativement joyeux. Et donc, je me suis dit, ça y est, je vais me lâcher. Et donc, bon. Il y avait Plessis. Alors, Plessis au téléphone était dans le même état que moi, derrière le micro. Donc, il y avait une connexion qui s'est créée naturellement entre nous. Et donc, comme son baratin, ça m'emmerdait, j'ai décidé de lui répondre d'une autre façon que dans le débat. Donc j'ai eu un haut le cœur. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'après cette émission, il y a eu des dizaines de MP, et c'est pas des conneries, de félicitations, de ch'toubistes. Voilà, donc ça s'est passé à Planet Racing, hein, finalement, Racing, et donc sur RBS. Ch'troutim qui m'écrivait par MP, « Oh mec, ah, c'est bien, continue !» Et puis 5 minutes après, « Oh ouais, ça c'est bon !» C'est quoi le Planet? Voilà, alors merci Knaki pour ses souvenirs. Je sais pas si y a encore des anecdotes truculentes et à partager dans le public aujourd'hui à ce propos. Voilà. Quand Jamal... Ah oui, alors Paolo. On n'a pas parlé de Jamal encore. Bah, quand Jamal était sur un coup sur une autre meuf que sa meuf qu'il était avec. Et donc, il balance un truc. Enfin, quelqu'un balance un truc en référence à ça. Il a fallu le censurer parce que lui, derrière... Non, si jamais elle écoute Radio Shtoub... Et donc, le censurman Rachmaninov avait dû censurer... le passage où critique. C'est vrai, donc sur cette connotation un petit peu sexuelle, hein, je pense qu'on va refermer la partie hommage sur les 10 années de Radio Shtoub. Et puis on verra si on va se lancer dans une partie un peu plus analytique, un peu plus. Je me tourne vers Hathor, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup entendu aujourd'hui. Voilà, donc bon anniversaire Radio Shtoub. Hein, et puis, donc, on se retrouve peut-être dans quelques instants ou sinon dans quelques semaines pour parler de la qualification en finale de la Coupe de la Ligue, par exemple. Voilà. Et donc, comment concluer déjà les émissions allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez.